Fadjet, c'est l'été en Lorraine. C'est l'été en Lorraine et une belle occasion eh bien, de redécouvrir un peu le patrimoine de notre belle région. C'est pourquoi pas d'aller au fort de Villers-le-Sec qui nous propose tout l'été des visites, même des visites nocturnes. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Cyril Mougenot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association La Citadelle. C'est bien ça. La Citadelle donc, qui gère le fort depuis longtemps. Depuis les années 65-70. Et le fort, lui, ça date encore plus. Oui, hein. Le fort, les dates de construction, c'est 1874-1879. Là, on rentre en fait dans la phase des 150 ans. Une histoire riche, hein, donc, que vous nous proposez de découvrir. Alors, quelle est la particularité un peu du fort de Villers-le-Sec? C'est quoi un peu son histoire? Tous les sites aiment bien avoir une particularité. Ouais. Villers-le-Sec, on les cumule. Déjà par la situation du fort. À la fin du 19e, l'artillerie permet d'éviter de construire des fortifications à proximité des civils. Donc, généralement, sont à 5-6 km des civils. Villers-le-Sec, le fort ceinture carrément le village. C'est une forteresse, c'est un peu le petit Carcassonne de l'Est de la France. Ça se faisait plus, pourquoi? Bah parce que la situation géographique fait que c'est stratégique. On est sur deux flancs, on est sur une crête. On a un panorama, d'ailleurs les visiteurs qui viennent peuvent par beau temps voir un panorama exceptionnel sur 360 degrés, c'est assez rarissime. On passe à côté, on se dit pas qu'il y a un point si haut, bah si. Mmh. Et donc du coup l'armée, dans un premier temps, voulait même carrément raser le village pour faire le fort à la place. Ils ont pris l'option la moins chère, finalement. Ils ont construit le fort autour, et donc ce qui fait que c'est la plus grosse des particularités du fort de Villers-le-Sec. Il est en 4 morceaux, c'est celui qui a coûté le plus cher de tous les forts de la rivière. Un endroit très stratégique. Oui, parce qu'en fait, il défend à la fois la vallée de la Moselle, il a la vue sur le plateau de Huile, la plaine de la Wèvre, et c'est le premier fort sur la défense du Toulois, on va dire. Puisque, hein, je rappelle, l'ennemi vient de l'Est. À vol d'oiseau de Villers-le-Sec, la frontière à l'époque, on est à 20 km. Il doit être très très vaste ce fort alors, en surface. C'est pas le plus grand des forts en bâtiment. Simplement, ouais. En emprise, il faisait 32 hectares. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 22. Il y a encore 22 à entretenir. Mais voilà, il a une grosse emprise. Il a une altitude de 350-360 mètres. Vraiment, il est sur un éperon, ce qui fait que c'est un verrou. C'est le premier des verrous. Il fait partie des 4 premiers forts construits sur la place de Toul. Et il fera partie des forts qui seront modernisés, puisque à partir de 1885, la crise de l'obus-torpille fait que toutes les modernisations qu'on a faites, tous les forts qui viennent tout juste d'être terminés, il a à peu près 160 et 250 petits ouvrages. Et bien en 1885, tout ce qu'on vient de faire, ça tombe à l'eau, puisque tout est en pierre de taille et les nouveaux obus et la nouvelle artillerie percutent la pierre de taille. Donc du coup, il va falloir repenser le système, mais c'est valable pour les Français comme pour les Allemands. Parce que ce qu'on s'imagine et ce qu'on sait peu, c'est que finalement, les Allemands ont beaucoup fortifié dans la région. À partir de Metz jusqu'à Thionville, toutes les crêtes sont fortifiées par les forts allemands. On le connaît peu, on va... Voilà. Il y a toute la ceinture fortifiée de Metz, mais il n'y a pas que ça. Et donc, c'était valable pour les deux cas. Alors, c'est vrai que les Allemands avaient un petit peu l'avance et il y a beaucoup de fortifications allemandes qui sont déjà en béton. Nous, on a un peu traîné. Mais du coup, tout ce qu'on a construit jusque-là, il faut le recommencer, surtout le modifier. Et donc, un certain nombre de forts de premier ordre, dont Villers-le-Sec, va subir des transformations importantes avec l'arrivée du béton spécial en 1890. Et en 1905, on arrive avec le béton armé, le cuirassement, et donc on va mettre l'artillerie sous tourelle. Et donc à Villers-le-Sec, on a cette chance d'avoir toute notre tourelle avec son armement dedans. Et donc on fait fonctionner la tourelle de 75 et on tire avec à chaque visite. Donc c'est rarissime. Il y a peu de forts qui font ça, parce qu'il y a peu de forts qui ont des tourelles en état. Et donc nous, vous assistez réellement à la sortie de la tourelle, au tir et à l'éclipse. Donc ça, cet été, on va pouvoir le découvrir. Il y a aussi un petit train, je crois. Il y a un petit train. Alors, c'est un petit train. Donc la locomotive, c'est pas la locomotive de l'époque, parce que c'était une locomotive à vapeur. C'est une locomotive quand même qui est une pièce historique. C'est une Berry qui vient des carrières de Solvay. Elle date des années 50. Voilà, elle-même, c'est une pièce sur laquelle on circule pour le coup sur des rails historiques à écartement étroite qui a été mise au point par le colonel Péchaud en 1888 sur la place de Toul. Vous voyez, on est assez local. Faut savoir qu'à l'époque, il y avait à peu près 300 km de voie étroite qui reliait tous les forts au centre névralgique de Toul. ça permettait d'alimenter en hommes, en munitions, en matériel, en nourriture. Et donc bah, aujourd'hui, on réutilise en fait ce tracé autour de fort qui a été un peu aménagé pour des questions touristiques. Mais voilà, chaque visite, on prend le petit train. Et ça surprend un peu les visiteurs, même des gens qui habitent le coin, qui ne connaissaient pas, vous arrivez à les surprendre? Les gens sont toujours surpris parce qu'ils habitent généralement dans un rayon de 20-30 km et ils se disent « Ah, il y a un fort, on ne savait pas ». Donc ça, c'est vraiment la première des particularités. Deuxièmement, ils s'imaginent que c'est quelque chose d'assez lugubre, enterré. Et en fait, ils s'aperçoivent que c'est une belle fortification, le fort Sadrivière. On n'est pas encore dans du Maginot, on ne s'enterre pas. C'est des forts qui sont un tiers au-dessus du niveau. Donc ce qui fait que c'est des bâtiments qui sont recouverts certes de terre, mais donc ils dépassent de la terre. Et à l'intérieur, c'est de la maçonnerie. C'est pour une grosse partie la maçonnerie en pierre. Donc on a des croisées, comme dans des cathédrales. On a exactement la même chose, en modèle réduit, mais on a exactement la même chose avec des parties effectivement renforcées en béton, en spécial béton armé. Ce qui fait que ça fait un ensemble cohérent, plutôt sympathique, avec des beaux volumes. Et surtout, on découvre les histoires d'artillerie, parce que l'artillerie, une batterie, c'est pas une masse de terre inerte. C'est des plateformes d'artillerie qui sont défilées avec des angles calculés précis. Ce qui fait qu'une batterie entretenue, c'est le cas à Vielsec. Oui. En ce moment, je suis en plein dans la fauche. Donc une batterie entretenue, c'est une batterie avec des défilements, des angles de tir précis, ce qui donne des formes et des volumes à angle droit. Et donc, c'est toujours assez sympathique de voir, vous prenez typiquement les citadelles qu'on peut trouver dans l'est de la France, quand vous les voyez, c'est somptueux. C'est un peu comme un diamant, ça a des arêtes droites. Et bien là, c'est pareil. Donc c'est assez impressionnant à découvrir donc cet été. La rénovation de ce fort, donc c'est grâce à l'association La Citadelle. Vous êtes combien aujourd'hui de bénévoles actifs à être là presque quotidiennement, au moins chaque semaine? Alors, l'association, effectivement, c'est que des bénévoles. On est à peu près une quinzaine, c'est très peu, puisque le site, je rappelle, il fait 22 hectares à entretenir. Et quand je dis une quinzaine, ça comprend les guides, puisque voilà, il y a les guides, il y a le conducteur du train, il y a l'artificier qui tire au canon. Voilà, ça fait du monde, ça fait du monde. Après, des gens qui travaillent au quotidien, on est 5-6. Voilà, on se relaie, mais on est 5-6. Après, le fort, donc, vit des visiteurs. Hein. C'est pour ça que c'est important que les gens viennent au fort, parce que les recettes des entrées permettent d'assurer le fonctionnement. Et surtout, le fort appartient au département de Meurthe-et-Moselle, que je voudrais là également saluer, parce que depuis 60 ans, le département donc a repris le fort et suit et aide l'association par des subventions pour continuer à fonctionner. Donc on a beaucoup à leur remercier, parce que depuis 60 ans, ils nous donnent totalement leur confiance pour faire fonctionner le site. Donc là encore, et d'ailleurs, il y a récemment, la présidente du département est venue nous voir et elle nous a reconduit sa confiance, donc voilà, je la remercie. Et l'été, donc c'est vraiment l'occasion d'aller découvrir ce lieu. En plus, on y est au frais, hein, parce que... On est au frais. Avec les températures qu'on risque d'avoir, ça peut être plutôt bénéfique. Alors comment ça se passe, une visite? On peut venir en famille? Combien de temps ça dure? Donc déjà, pour revenir le côté frais, effectivement, là, qui va commencer à faire des 28-30 degrés, il faut savoir que dans le fort, toute l'année, il fait entre 16 et 18 degrés. Donc, c'est appréciable. Voilà. Donc si jamais il fait vraiment très chaud, vous cherchez un endroit vraiment pour être au frais, venez au fort, ça se passe tant mieux. Les visites. Alors, le fort est ouvert du 1er mai au 30 septembre. Pour le grand public. Les visites, c'est tous les dimanches et jours fériés, donc du 1er mai au 30 septembre. Le départ de la visite, c'est toujours à 15h. Il faut toujours arriver un petit peu avant pour faire la billetterie. Donc ça, c'est la grande période. Après, dans cette période-là, on a l'hyper-saison qui commence du 14 juillet, donc c'est bientôt, 14 juillet, 15 août. Là, le fort est ouvert, tenez-vous bien, tous les jours, sauf le lundi, puisqu'il faut quand même un peu de répit. Donc 14 juillet, 15 août, on est ouvert tous les jours, sauf le lundi, toujours à 15h. Donc pour profiter à la fois du panorama, du petit train, du tir au canon. Et surtout, c'est une visite commentée par des guides passionnés qui ont plein d'anecdotes à vous raconter. Généralement, quand vous sortez de là, vous avez appris beaucoup, beaucoup de choses. Et on peut même revenir, hein, parce que je pense qu'il y a tellement d'informations. Que... Alors oui, on peut revenir. Et surtout que depuis maintenant 4 ans, on a décliné deux grandes choses. Les visites de journée. Que je viens de vous parler, à savoir aussi si jamais vous voulez organiser avec une association, des amis, un groupe, alors quand je dis groupe, c'est à partir de 15 personnes, non seulement ça vous donnera un tarif préférentiel, mais surtout on peut faire une visite à la carte en dehors des créneaux habituels. Là, j'ai eu récemment des gens qui m'ont contacté. Voilà, ils étaient 20. Mm-hmm. Et ben, et voilà, on peut voilà, faire de la visée à la carte à partir du moment où vous êtes à plus de 15. Sinon, pour revenir à l'autre produit, ce ouais. sont les nocturnes. Depuis 4 ans, on organise des nocturnes. Donc là aussi, depuis 4 ans, elles ont un peu évolué. Donc la nocturne, c'est quoi? C'est une balade à la lanterne, à la tombée de la nuit. Donc là aussi, on ouvre le phare à tombée de la nuit, donc ça, c'est, voilà, c'est plutôt sympa. Et on se balade avec des vraies lampes à pétrole dans les 4 parties du phare qui, elles, ne sont pas ouvertes en journée. En journée, on n'en visite que 2. Mmh. Donc en soirée, vous avez le bonus là d'aller sur les 4 parties du fort. Donc on se balade, on prend le petit train de nuit avec les lanternes accrochées. Alors ça, c'est génial. Une sacrée ambiance. C'est là. Génial parce qu'on est un peu dans les trains 1900, on va dire. Ouais. Où là, on a le bruit du grincement des wagons, puisque c'est pas fermé. Mmh. Et on a les lanternes qui aussi, comme ça, et ça donne une atmosphère en plus. Quand on a toujours un peu de luminosité. Et donc non, ça fait un super rendu. Et donc on visite tout le fort, on monte sur le toit du fort et en fait on a le panorama de nuit. Et là aussi c'est assez sympa. Alors aujourd'hui, vu qu'on a tous les villages qui sont éclairés la nuit, mmh. ça permet de visualiser où se trouve. Et c'est vrai que les gens sont toujours un peu perdus parce qu'ils connaissent le coin, mais du coup de nuit ils savent plus où ils sont. On perd ses repères. On en perd fait. Ses repères. Ouais, c'est ça. Alors pour organiser un peu sa visite, est-ce que il faut préserver un peu, prévenir avant? Alors, ou est-ce qu'on vient sur place direct? Voilà. Pour les visites de journée, pas besoin de réserver. Vous venez 20 minutes avant le départ, donc toujours 20 minutes avant 15h, en fonction de la journée. Donc si vous êtes dans l'hyper-saison, 14 juillet, 15 août, c'est toujours, tous les jours sauf les lundis. En dehors de cette période-là, c'est tous les dimanches et les jours fériés. Donc là, vous vous présentez 20 minutes avant, il n'y a pas de souci, il y aura toujours du monde pour vous prendre en charge. Par contre, pour tout ce qui est nocturne, il y a l'organisation. Donc là, on a parlé des nocturnes simples, donc c'est juste la balade. Après, on a les nocturnes plus, on va dire, soit il y a des concerts, soit, enfin à chaque fois, les nocturnes plus ont un repas déjà. Donc ça demande de la logistique. Mmh. Donc là, il faut réserver. Il y a une animation. Donc par exemple, le 25 mai, on a eu les NAC Rock Celtic. Ouais. Là, le 29 juin, donc, on a Julie Horry, qui c'est une conteuse qui vient de compter des comptes. Le 31 août, on aura encore une autre animation. Donc toutes les nocturnes, en fait, il faut réserver sur le numéro du fort. Qu'on trouvera, bien sûr, qu'on trouve facilement après avec les moteurs de recherche. Et pour ces nocturnes-là, après, les tarifs sont peut-être un peu plus onéreux aussi, oui, j'imagine. Oui, là. Alors, en gros, typiquement, une nocturne avec repas et animation, c'est 30 euros. Voilà, oui, ça bouge pas. Mais il y a plein de choses. Hein, voilà, il y a plein de choses. Une nocturne simple, c'est les tarifs pour les adultes. Bien sûr, les enfants, c'est moins cher. Pour les adultes, nocturne simple, c'est 10 euros. Les enfants, c'est 5. Et en journée? En journée, les tarifs, alors ça fluctue beaucoup parce qu'on a les fameux packs famille. D'accord. Qui sont très intéressants si vous avez plusieurs enfants de moins de 12 ans. C'est-à-dire que le pack famille, vous payez 20 euros. Et si vous avez 10 enfants, ben c'est gratuit. Ah, effectivement, ben c'est intéressant de le savoir. 10 enfants de moins de 12 ans. Mais c'est plutôt rare, j'imagine. Ah non, ça arrive. Ça arrive quand même. Facilement, les familles arrivent à avoir 2-3 enfants. Des fois, il y a période de vacances, il y a les cousins, les cousines qui sont là. C'est vrai. Et ça arrive, des fois, on a les mamies, enfin, papy, mamie qui viennent avec leurs petits-enfants. Ils ont 10 petits-enfants. Ben, pack famille, c'est super intéressant. Et bien sûr, on retrouve toutes ces infos pratiques hein, sur le site du fort de Villers-le-Sec, sur les pages des réseaux sociaux, Facebook, ça, oui, hein, Facebook notamment, qui est alimenté chaque jour. Donc, ça, c'est jusqu'au 15 août, vous nous l'avez dit, mais après, il y a aussi d'autres rendez-vous. Vous avez évoqué le 31 août. Pour la rentrée, il y a aussi d'autres temps forts. La saison de grande visite s'arrête au 30 septembre pour les visites de journée. Après, nous, on continue avec les nocturnes. Donc, il y a le 31 août, où là, il y aura une grosse soirée. Il y a la nocturne du 21 septembre. Alors, elle est importante, c'est une nocturne simple, mais attention, c'est la nocturne de la libération. Puisqu'on aura un groupe de reconstituteurs américains qui vont rejouer, donc ils vont venir à peu près à 90, avec une quinzaine de véhicules. Ils vont bivouaquer pendant 3 soirées au fort à Villers-le-Sec. Et donc les gens qui vont venir à cette nocturne-là auront le privilège de les voir de près, de pouvoir échanger avec eux. La nocturne, c'est le samedi soir. Le 20, il y a un gros événement sur Nancy, et ce groupe va venir libérer Nancy, comme à l'époque, heure par heure. Donc voilà, si vous voulez les voir, venez la nocturne du 21 septembre, vous pourrez les voir. Donc ça, c'est en septembre. En octobre, on a nocturne simple le 5 octobre. Et la dernière nocturne, ça sera le 19 octobre. Et là, c'est pareil, on va faire une grosse nocturne avec tous les passionnés, toutes les associations de fortification. Donc c'est ouvert au public, il y aura un repas. Donc ça sera la dernière grande festivité avant l'hiver. Donc une découverte d'un lieu historique, mais aussi la rencontre avec des bénévoles passionnés, parce que vous avez dit une quinzaine, mais qui seront là tous les jours quasiment cet été, hein, c'est ça? Ils vont se relier surtout pour vrai. Assurer le service. Mais c'est surtout, le Fort Vieux-Sec aujourd'hui, c'est un lieu historique certes, mais on se veut s'ouvrir tout doucement sur un lieu culturel. C'est pour ça que là, cette année, c'est un peu une année test. On a fait un concert, on a une conteuse, on a d'autres événements à venir, et à terme et dans l'avenir, on veut vraiment qu'on maille l'histoire et la culture, parce que demain, la survie des sites, ça va être ça. Ça va être de faire partager cette histoire qui est importante, mais aussi de que le lieu vive et vive à travers des expositions, des artistes, des musiciens. Quelque chose me dit que cet été, il sera bien vivant avec tous les nombreux visiteurs que vous aurez. Merci beaucoup, Cyril Mougenot. Merci à vous.